Chapitre 19. Quand il fut avéré que l'heure de la fin du monde n'était pas venue, décidément, les gens menèrent une grande joie. Une joie étonnée d'abord, et les yeux semblaient hésiter à contempler la lumière habituelle. Une joie pourtant qui eut bientôt éliminé toute hésitation, comme le soleil supprime les buées de l'aube. Le frère Siméon salua le matin clair et dit au Créateur « Merci ». Ensuite le frère Siméon circula gentiment parmi la foule, et vit qu'elle était reprise de frivolité. Lui-même cédait au plaisir de n'être pas mort. Il regardait au ciel la comédie charmante de l'aurore. Les petits nuages qu'il voyait n'étaient là que pour se colorer de lueurs roses. On eût dit que des roses fleurissaient dans le jardin du ciel. Quand elles furent effeuillées, il ne resta que l'étendue bleue, délicatement pure et palpitante de lumière. Les personnes les plus dévotes ne sortirent pas de l'église promptement, mais y demeurèrent à prier. Soit que les imatins la reconnaissance qu'il faut que l'on témoigne au bienfaiteur avant de profiter du bienfait, soit qu'un sentiment morose leur fit trouver un peu décevante une reprise de la vie après que l'on a consenti de mourir. Le frère Siméon observa que plusieurs hommes et maintes femmes ne s'égayaient pas. Une femme qui l'interrogea lui répondit « C'est tout à recommencer ». Les autres n'eussent rien répondu, ne sachant peut-être pourquoi l'idée de vivre encore ne les aguichait aucunement. Le frère Siméon, qui les blâmait, ne compta point leur démontrer que la vie est digne de prédilection provisoire. Mais il leur dit, en cachant sa gaieté, « Allez, ce n'est que partie remise. Puisque la mort vous tente, je vous promets que vous mourrez. Patience d'ici là. » Ces tristes personnes étaient d'ailleurs le très petit nombre, et il fallait pour les remarquer l'attentif esprit du frère Siméon. Elles demeuraient ou s'en allaient sans attrister les alentours. Et l'allégresse générale se trémoussait à merveille, dans le couvent et aux abords de l'église. Les gens riaient, se disaient bonjour, se congratulaient d'une façon cordiale ou comique, et bavardaient. Il y eut des chansons, des rondes, et l'on vit que les jambes étaient contentes de baller, les gosiers contents de crier, les poitrines contentes de respirer largement l'air du matin, frais et léger, l'air d'ici-bas, l'air de la vie. Mais le frère Siméon, qui approuvait une félicité si naïve, observa bientôt qu'il s'en détachait, par endroits, divers sentiments d'une toute autre sorte. Un couple traversa furtivement la cour. Le mari, naguère si glorieux d'éviter par l'universel trépas la disgrâce de Cocuage, et la petite épouse alarmante. Le mari ne badinait plus et confusément balançait les avantages d'être ou aimable, s'il le pouvait ou redoutable, s'il le fallait. La petite épouse en tapinois souriait. Puis des pêcheurs qui, dans la nuit mortuaire, avaient à haute voix confessé leur délit, passèrent d'un repentir à un autre. Et comme naguère, ils s'accusaient d'avoir méfait. Ce furent leurs aveux qui leur parurent la pire faute. Cela causa une gêne sensible. On vit des larrons se sauver à toutes jambes. On en vit de plus malins qui essayaient d'organiser, par leur bonne humeur, une espèce d'oubli ou de complaisance. Et l'on en vit de moins malins qui avaient le tort de ne pas se fier aux vertus persuasives du silence et qui, succombant à la dangereuse éloquence de Palinodi, démentaient leurs confessions. Les femmes infidèles démentaient le larcin d'amour et tâchaient de tranquilliser les époux étourdiment avertis. Il y eut des cris, un tumulte, et la violence n'était compensée que par l'indolence. Le frère Siméon se disait « La vérité est périlleuse. Pour avoir dit la vérité par mégarde, voilà des gens qui auront de la peine à demeurer dans le même village. En vérité, la vérité n'est pas de ce monde. » La plupart des querelles s'arrangèrent par la réciprocité de complaisance. Un magistrat ne sévit pas contre un larron qui se souvint de l'avoir entendu s'accuser de prévarication. Les dupes avaient aussi leurs dupes. Enfin, tel qui eût volontiers jeté la pierre à son prochain, redouta que la pierre ne lui fût renvoyée, plus grièvement encore. Il se fit un accord de naïve ingéniosité qui rétablit tant bien que mal un équilibre suffisant pour assurer la tranquillité quotidienne. Le frère Siméon, qui assistait à ce phénomène de vie sociale, en éprouvait de la surprise et une admiration plaisante. Il se disait que la nature, en toutes ses parties, révèle une volonté identique et l'unité d'une pensée. Chacun de nous cicatrise avec habileté son cœur, ainsi qu'un arbre son écorce, et les foules réparent, comme les forêts, leurs désastres. Cependant, cette foule gardait de l'amertume et avait sous les dehors de Simagré l'humeur mauvaise. Le frère Siméon s'en aperçut, et afin d'épargner au couvent l'offense de quelque désordre, il s'efforça de guider les agités vers la porte. Il leur prodiguait le conseil et l'encouragement. Surtout, il les divertissait de savoir qu'il les y conduisait.